Il est tentant d'appréhender les vastes et lumineux paradis en tant que le corps du Tao. Toutefois, ce serait une erreur. Si vous identifiez le Tao à une forme particulière, jamais vous ne le verrez. N'imaginez pas que vous puissiez atteindre la pleine conscience et la pleine illumination sans une discipline et une pratique adéquates. Ce serait manie égocentrique. Des rituels appropriés canalisent vos émotions et énergie vitale en direction de la lumière. Sans discipline pour les appliquer, vous rechuterez constamment vers l'arrière, dans les ténèbres. Voici le grand secret. Tout comme on obtient la conscience supérieure de la vérité subtile au moyen d'une conduite vertueuse et de discipline nourrissante, elle sera de même maintenue par ses activités. Les êtres hautement évolués connaissent et respectent cette vérité. Les mots ne pourront jamais véhiculer la beauté d'un arbre. Pour la comprendre, vous devez la voir avec vos propres yeux. Le langage ne peut capturer la mélodie d'un chant. Pour le comprendre, vous devez l'entendre de vos propres oreilles. Il en est de même avec le Tao. La seule voie pour le saisir, c'est de l'expérimenter directement. La vérité subtile de l'univers est indicible et impensable. Par conséquent, les enseignements les plus hauts sont sans parole. Mes propres mots ne sont pas la médication adéquate, mais plutôt une ordonnance ponctuelle. Mes propres mots ne sont pas la destination, mais plutôt une carte pour vous aider à y parvenir. Une fois sur place, calmez votre mental et tenez la bouche fermée. N'analysez pas le Tao. Efforcez-vous au contraire à le vivre silencieusement, sans vous laisser diviser, avec la totalité de votre être en harmonie. Si votre esprit est obturé par vos pensées, comme des nuages masquent le ciel, vous ne le verrez pas, mais cela ne prouve en rien qu'il n'est pas là. Toutes les misères sont créées par l'activité du mental. Seriez-vous capable de laisser aller les mots, les idées, les attitudes et les espérances? Si oui, alors le Tao se dressera dans le champ de vision. Pouvez-vous rester immobile et regarder intérieurement? Si oui, alors vous verrez que la vérité est toujours disponible, toujours prête à répondre. L'ego déclare que le monde est vaste et que les particules qui le forment sont infimes. Lorsque les petites particules s'assemblent, il dit que le vaste monde apparaît. Quand l'immense monde se disperse, il dit que les particules infimes se voient. L'ego se débat dans l'hypnose de tous ces mots et idées, mais la vérité subtile consiste en ce que monde et particules sont identiques. aucun n'est grand, aucun n'est petit. Chaque chose est égale par rapport à chaque autre. Mots et concepts bloquent seulement votre perception de cette grande unité. Par conséquent, il est sage de les ignorer. Ceux qui vivent au sein de leur ego sont continuellement désorientés. Ils luttent frénétiquement pour savoir si les choses sont grandes ou petites, s'il peut être vrai ou faux qu'un dessein existe pour s'unir ou pour se disperser, s'il est plausible ou mensonger que l'univers est aveugle et mécanique, ou bien représente la divine création d'un être conscient. En réalité, il n'y a pas de base pour alimenter ses croyances ou faire des commentaires sur des sujets pareils. Il vaut mieux les traverser et vous découvrirez la profonde, silencieuse et complète réalité du Tao. Adoptez-la et votre désorientation s'évanouira. Tout comme le monde peut se révéler en tant que particule, le Tao peut se révéler en tant qu'être humain. Bien que monde et particules ne soient pas les mêmes, ils ne sont pas non plus différents. Quoique le corps cosmique et votre corps ne soient pas les mêmes, ils ne sont pas non plus différents. Mondes et particules, corps et êtres, temps et espace, tous sont des expressions transitoires du Tao. Invisible, insaisissable, le Tao est au-delà de toute tentative pour l'analyser ou le catégoriser. Dans un même temps, où que vous vous tourniez, sa vérité se tient là. Si vous le détachez du mental pour le laisser aller et que vous puissiez l'encercler avec votre cœur, il vous habitera intérieurement pour l'éternité. Toutes les choses universelles vont du subtil au plus manifesté et vice-versa. Que la forme soit celle d'une étoile ou d'une personne, le processus est le même. L'énergie subtile existe préalablement. Elle devient manifeste et prend vie. Après un temps, l'existence meurt, mais l'énergie raffinée continue soit en retournant au royaume de même nature où elle demeure, soit une fois encore s'attachant à un phénomène platement manifesté. Le caractère de votre existence est déterminé par les énergies avec lesquelles vous entrez en contact. Si vous vous attachez à des énergies grossières, aimant cette personne, haïssant ce clan, rejetant telle expérience ou de façon habituelle, vous laissant aller à une autre, vous mènerez alors une série de pesantes existences vouées à l'attachement. Ceci peut perdurer un temps très long et fastidieux. La voie de l'être intégral est de se joindre à des choses plus hautes, se tenant à ce qui est raffiné et délié. Il traverse des états raffinés et subtils. S'il pénètre dans le monde, il le fait avec grâce et sans attachement. De cette façon, il peut aller n'importe où sans même avoir à quitter le centre de l'univers. Intellectuellement, le savoir vient à l'existence dans et par le cerveau. puisque le cerveau fait partie d'un corps devant un jour expirer. La collection des événements, aussi grande et impressionnante soit-elle, devra se terminer un jour. La pénétration reste cependant une fonction de l'esprit. Puisque votre esprit vous suit au cours de tous les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance se succédant, vous avez l'opportunité de cultiver la vision intérieure d'une manière ininterrompue. Se raffinant avec le temps, la faculté méditative devient pure, constante et exempte de perturbations. Tel est le début de l'immortalité. Il est tout à fait possible d'achever l'immortalité et d'expérimenter pour toujours la joie et la liberté absolue. Pratiquer la vertu non discriminante est le moyen pour y parvenir. Par la pratique de la bonté et de l'oubli de soi, vous alignez naturellement votre vie sur la voie intégrale. Vivant selon la voie intégrale, vous commencerez à éliminer les frontières illusoires qui séparent gens et sociétés, ténèbres et lumières, vie et mort. Éliminant ces illusions, vous accédez à la compagnie des êtres spirituels les plus élevés. En leur compagnie, vous êtes protégé des influences négatives et votre énergie vitale ne peut être dispersée. C'est ainsi que vous achevez l'immortalité. Souvenez-vous, il n'est pas vrai que ceux qui cultivent l'intégralité et la vertu pour elles-mêmes ne rencontrent pas d'empêchement dans la vie. Le fait est plutôt qu'ils comprennent les difficultés comme le chemin même vers l'immortalité, les rencontrant calmement et ouvertement, quelle que soit la manière dont elles apparaissent. Ils se développent joyeusement et leur répondant, il devient tout aussi naturel, aussi complet, aussi éternel que le Tao lui-même. Une personne supérieure se préoccupe du bien-être de toute chose. Elle fait cela en acceptant les responsabilités pour les énergies qu'elle manifeste à la fois activement et dans le règne subtil. Regardant un arbre, elle ne voit pas un événement isolé, mais des racines, feuilles, troncs, eau, sol et soleil. Chaque événement relié aux autres et arbres s'élevant à partir de leur liaison. Se regardant elle-même ou regardant un autre, elle voit la même chose. Arbres ou animaux, humains ou insectes, fleurs et oiseaux. Image active des énergies subtiles qui coulent des étoiles à travers l'univers, se rencontrant et se combinant entre elles et avec les éléments de la terre, elles donnent ensemble naissance à toutes les choses vivantes. La personne supérieure comprend cela, et aussi que ses propres énergies jouent un rôle dans ce processus. Comprenant ces choses, elle respecte la terre en tant que mère, les cieux comme son père, et toutes les choses vivantes en tant que ses frères et sœurs. Prenant soin d'eux, elle sait qu'elle prend soin d'elle-même. Leur donnant, elle sait qu'elle donne à elle-même. En paix avec eux, elle est toujours en paix avec elle-même. Quel besoin de s'affoler lorsqu'on recherche la vérité? Elle vibre en toute chose et en tout ce qui n'est pas une chose, même juste au bout de votre nez. Pouvez-vous rester ferme et la voir dans la montagne, le pain, en vous-même? N'imaginez pas que vous la découvrirez en accumulant plus de connaissances. Le savoir crée le doute, et le doute vous rend vorace de plus de connaissances. Vous nourrissant de cette façon, vous ne pourrez vous rassasier. Le dîner du sage se compose de plus subtil. Il se sustente de l'évidence que le nommé naît du non-nommé, que tout être provient du non-être, que le monde descriptible émane d'une source indescriptible. C'est à l'intérieur de lui-même qu'il découvre cette vérité subtile, et il en est fort aise. Ainsi, qui peut demeurer tranquille et regarder le jeu d'échecs du monde? Les fous toujours s'agitent en mouvements impulsifs, mais les sages savent que victoire ou défaite sont décidées par quelque entité plus fine. Ils voient que quelque chose de parfait existe avant qu'un quelconque mouvement ne s'enclenche. Cette subtile perfection se détériore quand des actions artificielles sont entreprises. Par conséquent, soyez satisfait de ne point troubler la paix. Restez calme. Découvrez l'harmonie de votre être propre. Étreignez-la. Si vous parvenez à cela, vous gagnerez tout et le monde recouvrira la santé. Si vous ne le pouvez pas, vous resterez perdu dans les ténèbres pour l'éternité. Si vous partez à la recherche du grand Créateur, vous reviendrez les mains vides. En fin de compte, la source de l'univers s'avère inconnaissable, un grand fleuve invisible, coulant sans relâche au sein d'une vaste et fertile vallée. Silencieuse et incréée, il crée toutes les choses. Tous les phénomènes sont apportés du royaume subtil, jusqu'au monde manifesté par la mystérieuse union du yin et du yang. Le dynamique fleuve yang pousse de l'avant. L'immobile vallée yin est accueillante, et par leur intégration, les événements viennent à l'existence. Ceci est connu comme le suprême Tai Chi. Tai Chi est la vérité intégrale de l'univers. Chaque chose est un Tai Chi, votre corps, le corps cosmique, forme, apparence, sagesse, énergie, la réunion des personnes, le dispersement du temps et des lieux. Chacun s'apporte lui-même à l'existence par l'intégration du yin et du yang, se maintient et se disperse, sans la direction d'un quelconque créateur. Votre création, votre transformation personnelle, l'accumulation d'énergie et de sagesse, le déclin et la cessation de votre corps, tout cela se déroule de soi-même dans le cadre de l'opération minutieuse de l'univers. Donc, l'effort dans l'agitation n'est pas nécessaire. Restez simplement conscient du suprême Tai Chi. Les lois naturelles de l'univers sont inviolables énergie qui se condense en substance. Les aliments s'absorbent par la bouche et non par le nez. Une personne qui négligerait de respirer deviendrait bleue et mourrait. On ne peut simplement faire fi de certains faits. C'est aussi une part de la loi cosmique que vos faits et vos paroles déterminent ce qui arrive dans votre existence. La personne ordinaire pense que cette loi lui est extérieure et elle se sent enfermée et contrôlée par elle. C'est pourquoi ses désirs troublent son mental. Son mental trouble sa conscience et elle vit perpétuellement dans un constant désordre vis-à-vis du monde et d'elle-même. Toute sa vie s'use à batailler. La personne supérieure reconnaît qu'elle et la loi subtile ne font qu'un. En conséquence, elle se cultive en accord avec cela, apportant modération dans ses actions et clarté dans son esprit. Pratiquant de la sorte, elle se constate faisant un avec tout ce qui est divin et illuminé. Ses jours se passent à s'absorber dans la sérénité et à manifester le contentement. Telle est la profonde et simple vérité. Vous êtes le maître de votre vie et de votre mort. Ce que vous faites est ce que vous êtes. Bon ou mauvais, soi et autre, vie et mort. Pourquoi affirmer de tels concepts? À quoi bon les nier? Adhérer à l'un ou à l'autre est exercice du mental, et l'être intégral sait que les manipulations de la pensée sont des rêves, des hallucinations et des ombres. Tenez une idée, une autre aussitôt devient sa concurrente. Bientôt, ces deux entreront en conflit avec une troisième, et rapidement, votre vie ne sera que bavardage et contradiction. Cherchez plutôt à maintenir votre esprit hors de la division. Dissolvez toutes les idées dans le Tao. Rien dans le domaine des pensées ou des idéologies n'est absolu. Si vous vous appuyez longuement sur l'une d'elles, elle s'effondre. À cause de cela, rien n'est plus futile et frustrant que de se fier à la tête. Pour parvenir à l'inébranlable, vous devez faire du Tao votre compagnon. Pour ce but, apaisez vos raisonnements. Cessez d'analyser, de disséquer, de faire des distinctions entre une chose et une autre. Rendez-vous juste à l'évidence que vous vous tenez au centre de l'univers et acceptez toutes les choses et les êtres comme faisant partie de votre corps infini. Lorsque vous percevrez cela, qu'une action accomplie envers un autre vous vise également, vous aurez réalisé la grande vérité. Dans les temps anciens, les gens vivaient une existence holistique, n'accentuant pas exagérément le rôle de l'intellect, mais intégrant l'intelligence, le corps et l'esprit en toute chose. Cela leur permettait de maîtriser la connaissance plutôt que d'être victime des concepts, si une nouvelle invention faisait son apparition, ils examinaient les troubles qu'elle pourrait causer autant que les bienfaits qu'elle offrait. Ils estimaient les façons de faire connues comme avérées, utiles, et estimaient la modernité si on pouvait la tester comme efficace. Voulez-vous en finir avec la confusion? Alors copiez ces vieux bonhommes. Intégrez votre corps, votre faculté d'intelligence et votre esprit dans tout ce que vous entreprenez. Choisissez les nourritures, les vêtements, l'abri qui s'accorde avec la nature. Comptez sur votre corps comme moyen de transport. Permettez à votre travail et à vos divertissements d'être un et le même. Faites des exercices qui développent votre être entier et non pas juste le physique. Écoutez une musique qui fait le pont entre les trois sphères de votre être. Choisissez des dirigeants pour leurs vertus plutôt que pour leurs richesses ou leurs pouvoirs. Servez les autres tout en vous cultivant simultanément. Comprenez que l'accroissement du vrai provient de la rencontre et de la résolution des problèmes existentiels de façon harmonieuse pour vous et les autres. Si vous pouvez suivre cette simple vieille façon de faire, vous vous renouvellerez continuellement. Parlons de la nature de l'esprit illuminé. Les organes des sens, limités en portée et en habileté, rassemblent les données au hasard. Cette information partielle est organisée en jugements basés sur des jugements antérieurs, à leur tour, usuellement basés sur l'idée fantaisiste d'une autre personne. Ces faux concepts et idées se trouvent alors emmagasinés dans un système de mémoire hautement sélectif. Distorsion montée sur distorsion, l'énergie mentale s'épanche constamment par le biais de canaux inappropriés et contorsionnés. Ainsi, plus quelqu'un utilise le mental, et plus il devient confus. Dans le but d'éliminer les désagréments du mental, faire quelque chose est de faible secours et renforce uniquement la mécanique. À l'inverse, dissoudre la conscience analytique est du ressort du non-agir. Évitez simplement de devenir attaché à ce que vous voyez et pensez. Abandonnez l'habitude de vous sentir séparé de l'esprit universel omniscient. Vous pourrez alors recouvrer votre capacité originale de pure conscience et perçant à jour toutes les illusions, ne connaissant rien, vous serez conscient de chaque chose. Souvenez-vous du fait que la clarté et l'illumination font partie intégrante de votre propre nature. On les regagne sans avoir à bouger d'un pouce. Si vous corrigiez votre état d'esprit, le reste de votre vie retomberait à sa place. Il en est ainsi parce que la mentalité et l'aspect directeur de la vie humaine. Si le fleuve coule clairement et nettement dans le canal approprié, tout ira pour le mieux le long de ses berges. La voie intégrale dépend du fait de décroître et non d'augmenter. Pour amender votre état d'esprit, faites confiance au non-agir. Arrêtez de penser et de vous attacher aux complications. Gardez votre esprit intègre et entier. Éliminez turbidité et obscurité mentale. Maintenez l'entendement dans une cristalline clarté. Évitez les rêvasseries quotidiennes et donnez les moyens à votre pure et originale capacité de pénétration d'émerger. Calmez vos émotions et demeurez serein. Ne devenez pas déséquilibré à force d'adorer des idoles, des images et des idées. Ce serait comme coller une nouvelle tête sur celle que vous avez déjà. Rappelez-vous, si vous pouvez stopper toutes les pensées qui agitent votre mental, votre nature intégrale apparaîtra. Le Tao donne naissance à l'un. L'un donne naissance au yin et au yang. Yin et yang donnent naissance à toutes les choses. Maintenant, oubliez ceci. La complète totalité est la totalité complète. Ainsi, de la même façon, chaque partie est totale intégralité. Oubliez également cela. Douleur et joie sont juste des conditions égotistes. Oubliez l'ego. Temps et espaces, sans cesse, changent et se dissolvent. Ils ne sont ni fixes ni réels. On peut s'y référer comme à des accessoires, mais ne pensez pas à eux. Les êtres surnaturels, dénués de forme, déploient leur force vitale à travers l'univers pour supporter les êtres tant formés que non formés. Ne prêtez pas trop attention à cela. Tout compte fait, le surnaturel fait, tout comme le naturel, partie de la nature. La vérité subtile ne met pas plus l'accent sur l'un ou l'autre aspect, et pourtant les inclut tous deux. Toute la vérité est comprise dans le tai chi. Pour cultiver l'intelligence, le corps ou l'esprit, équilibrez simplement les polarités. Si les gens comprenaient cela, la paix mondiale et l'harmonie universelle régneraient naturellement. Oubliez l'idée de comprendre, d'harmoniser et de croire rassembler toutes les choses en une. L'univers est déjà une harmonieuse unité. Il s'agit juste de la réaliser. Si vous jouez des pieds et des mains pour rechercher la paix intérieure, vous perdrez votre paix intérieure. La pensée duelle est une maladie. La religion, une distorsion. Le matérialisme est cruel. Une aveugle spiritualité est irréelle. Psalmodier n'est pas plus sain qu'écouter le murmure du ruisseau. Égrener le chapelet pas plus sacré que simplement respirer. Les robes monastiques ne sont pas plus spirituelles que les vêtements de travail. Si vous souhaitez vous unifier au Tao, ne vous laissez pas empêtrer par les superficialités d'ordre spirituel. Vivez plutôt une existence simple et tranquille, libre d'idées et de préconceptions. Recherchez le contentement dans une pratique de la vertu non discriminante. Le seul vrai pouvoir. Donnant aux autres sans égoïsme et anonymement, irradiant la lumière à travers le monde et illuminant vos propres ténèbres, votre vertu deviendra un sanctuaire pour vous-même et tous les êtres. Voilà ce que signifie incarner le Tao. Aspirez-vous à vous libérer des nœuds psychiques et mentaux et devenir un avec le Tao? Si oui, deux chemins s'ouvrent à vous. Le premier est celui de l'acceptation. Soutenez chacun et toute chose. Sans vous soucier des circonstances, élargissez librement le champ de votre bienveillance et de votre vertu dans chacune des directions. Embrassez toute chose en tant que partie de l'unité harmonieuse. Vous commencerez alors à l'apercevoir. Le second chemin est celui du refus. Reconnaissez que chacune des choses vues ou à laquelle vous pensez est une fausseté, une illusion, un voile recouvrant la vérité. Levez tous les voiles, jetez-les au loin, et vous parviendrez à l'unité. Quoique ces voies soient entièrement différentes, elles vous mèneront à la même place, à la conscience spontanée de la grande unité. Une fois parvenu à ce point, souvenez-vous, il n'est pas nécessaire de lutter pour maintenir l'unité avec elle. Tout ce que vous avez à faire, c'est, en son sein, participer. Le fait de penser et de parler de la voie intégrale n'est pas la même chose que la mettre en œuvre. Qui est jamais devenu bon cavalier en discourant sur les chevaux? Si vous souhaitez incarner le Tao, cessez de bavarder et commencez à pratiquer. Relaxez le corps, apaisez vos sens et ramenez votre esprit à sa clarté originale. Ne vous souciez plus d'être séparé des autres et de la source transcendante. Lors de votre retour à l'unité, ne pensez plus à elle ni ne la craignez. Être intimidé serait juste une autre manière de vous en séparer. Associez-vous simplement à la vérité et permettez-lui de vous investir. Qu'y a-t-il de bon à passer sa vie à s'entourer de choses matérielles? Ce n'est pas ainsi qu'on s'en tient au Tao. Quel bénéfice trouve-t-on à accorder ses comportements aux conventions dictées par quelqu'un d'autre? Cela viole votre nature et dissipe vos énergies. Pourquoi séparer votre vie spirituelle de votre vie ordinaire? Pour un être intégral, ce genre de distinction n'existe pas. Fidèle à votre nature, vivez simplement et vertueusement, ne traçant pas de ligne entre ce qui serait spirituel ou pas. Ignorez le temps, renoncez aux idées et aux concepts, embrassez l'unité. Telle est la voie intégrale. Ceux qui désirent connaître la vérité de l'univers devraient appliquer les quatre vertus cardinales. La première est une déférence admirative pour toute existence. Elle fait montre d'un amour inconditionnel, d'un respect pour soi et pour tous les autres êtres. La seconde est la sincérité naturelle. Elle se manifeste par l'honnêteté, la simplicité et la loyauté. La troisième est l'amabilité, qui s'extériorise par la bonté, la considération envers autrui et la sensibilité en regard de la voie spirituelle. La quatrième est la solidarité qui devient évidente par le service offert aux autres, sans idée d'une récompense en retour. Les quatre vertus ne forment pas un dogme extérieur, mais sont un ingrédient de votre nature originale. Pratiquées, elles donnent naissance à la sagesse et appellent les cinq bénédictions que sont la santé, l'aisance, la joie, la longévité et la paix. Pensez-vous que vous puissiez clarifier votre esprit en vous asseyant constamment en méditation silencieuse? Cette technique concentre l'esprit, le rend étroit, non clair. La conscience intégrale, présente partout et en tout temps, est fluide et souple. Voilà l'objet de la véritable méditation. Qui pourrait atteindre la clarté et la simplicité en se coupant du monde? Le Tao clair et simple ne l'évite point. Pourquoi ne pas juste honorer vos parents? Aimez vos enfants, aider vos frères et sœurs, être loyal envers vos amis, prendre un soin particulier de votre compagne ou compagnon, terminer joyeusement le travail vous incombant, assumer la responsabilité pour certains problèmes, user de force morale sans attendre des autres qu'ils en usent en premier, comprendre les vérités les plus hautes tout en conservant des manières ordinaires. Un tel comportement est la manifestation de la réelle clarté, de la réelle simplicité, de la réelle maîtrise. Au sein de la personne, conscience et action sont les attributs d'une réelle compréhension. Elles forment ensemble un tai chi naturel. Qui pourrait se contenter de l'illumination et demeurer indifférent aux misères du monde? Ce serait ne pas rester en accord avec la voie. Seuls ceux qui augmentent leur service au fur et à mesure qu'ils comprennent plus avant, peuvent être appelés hommes et femmes du Tao.